Genre de la jungle, tout niqué, j'ai mis mon cœur dans le frigo. Bico, j'ai trouvé dans mes yeux la même presse que mon mégot. Quelques millions de déco, du sang pour la déco. Comme ton père, tu seras fort, petits égaux. Y'a de la coke, du shit, des armes, des lobes, des représailles qui se règlent par le bigot. J'ai rêvé d'avoir une bête de vie, frustré d'avoir l'envie d'avoir toujours envie. La jalousie, banque beef, ami, posi, oh Uzi. J'suis le rappeur le plus aimé dans toutes les tests. Pas de métaphore, nos vies sont dans mes textes. Je n'ai pas succès pour m'en sortir, j'ai niqué des mères. J'ai tiré sur l'ennemi pour protéger mon banks. Ok, sorti de freine, j'ai rappé que du sale. Vrai DZ a fait platine en 3 semaines. Et puis t'as mon rapidement trop. Allô la police, la crime veut me raqueter. Des fois l'amitié est malsaine. J'ai mon ego qui saigne. Devrais-je faire une grosse peine comme Adama Kamara, mon galzen. La crème. J'ai grandi loin de chez moi. Enfant contre les lois. Personne volait de moi. Je voulais fumer le roi. J'ai grandi loin de chez moi. Enfant contre les lois. Personne volait de moi. Je voulais fumer le roi. Voler de leur quand tu n'étais pas né. Il nous fallait plus que ce qu'on avait. On savait très bien ce que l'on valait. Ramener deux bouteilles pour t'en parler. Voler de leur quand tu n'étais pas né. Il nous fallait plus que ce qu'on avait. On savait très bien ce que l'on valait. Ramener deux bouteilles pour t'en parler. Rap le bar, je robe, ne joue pas mon robe. Gros tarot sur la belle, le soleil se lève. Je sirote, un petit yacht. Gros pilote qui tire la drogue, mon robe. Dans le journal, la mort c'est mon ami. Un grand sourire sur ta photographie. Toute ta beauté dans le cœur de ta fille. Les fumées même si se cache en Mauritanie. On ne sera jamais à plat. À part si le bon Dieu veut ça. Mon équipe et moi t'es vécu tellement tellement sale. Tellement tellement je cauchemar que de ça. J'ai pas besoin de me racheter devant eux. Dans les yeux la vérité dans les yeux. Je fume que du monsieur, une parole de monsieur. Ils veulent cacher crapule derrière acte gracieux. Il nous faut de la fraîche. Pas de sous pour la tèche. Et puis je suis vraiment pas fier à cause du parloir. La petite a dû sécher la crèche. Un petit pépé si tu me détestes. Combien t'as vendu la mèche. Dans le cœur pique de flèche. Aujourd'hui je n'ai que tout à la raison plus de pêche. J'ai grandi loin de chez moi. Enfant contre les lois. Personne volait de moi. Je voulais fumer le roi. J'ai grandi loin de chez moi. Enfant contre les lois. Personne volait de moi. Je voulais fumer le roi. Voler de leur quand tu n'étais pas né. Il nous fallait plus que ce qu'on avait. On savait très bien ce que l'on volait. Ramener deux bouteilles pour t'en parler. Voler de leur quand tu n'étais pas né. Il nous fallait plus que ce qu'on avait. On savait très bien ce que l'on volait. Ramener deux bouteilles pour t'en parler.